Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée aux mousquetaires à l'occasion de l'exposition sur ce thème qui vient de débuter au musée de l'armée à Paris. De après Athos lundi avec l'historien Jean-Marie Constant, Porthos hier avec Georges Vigarello et Florent Quellier et avant demain de suivre D'Artagnan tout en suivant le parcours de l'exposition mousquetaire avec certains des participants au catalogue mais également des spécialistes des mousquetaires et de Dumas. Nous allons ce matin nous arrêter sur la figure d'Aramis, l'homme de pouvoir et l'homme d'église, le dernier des quatre à survivre à la trilogie, à la fin du vicomte de Bragelonne. De quoi est-il le nom, pourrait-on dire, en reprenant une formule célèbre depuis une dizaine d'années, de quoi est-il le nom, cet Aramis, de la trahison, de l'ambition, de la volonté de carrière ? Des nouveaux temps en train de naître à la fin ou dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est ce que nous verrons avec Perrine Carvan qui a préparé cette émission grâce aux textes qui seront lus par Daniel Königsberg comme chaque jour et qui seront commentés par nos deux invités. Sarah Mombert, elle est maître de conférence en littérature française du XIXe siècle à l'École normale supérieure de Lyon et chercheur au CNRS, spécialiste de l'œuvre de Dumas, éditrice des journaux publiés et dirigés par Alexandre de Dumas, par exemple Le Mousquetaire, Le D'Artagnan, Le Monte Cristo. Et c'est en ligne sur alexandredumas.org et elle prépare un livre sur Alexandre Dumas, journaliste. Hervé Drevillon est également avec nous, il est professeur d'histoire à l'Université de Paris 1, directeur de l'Institut des études sur la guerre et la paix, spécialiste d'histoire militaire, auteur de L'individu et la guerre chez Belin, paru l'année dernière, et il a participé au catalogue de l'exposition Mousquetaire publiée par Gallimard et par le Musée de l'Armée. Mais commençons cette émission sur Aramis avec vous, Daniel Königsberg. Cet autre mousquetaire formait un contraste parfait avec celui qui l'interrogeait et qui venait de le désigner sous le nom d'Aramis. C'était un jeune homme de 22 à 23 ans à peine, à la figure naïve et doucereuse, à l'œil noir et doux et aux joues roses et veloutées comme une pêche en automne. Sa moustache fine dessinait sur sa lèvre supérieure une ligne d'une rectitude parfaite. Ses mains semblaient craindre de s'abaisser de peur que leurs veines se gonflassent et de temps en temps, il se pinçait le bout des oreilles pour les maintenir d'un incarnat tendre et transparent. D'habitude, il parlait peu et lentement, saluait beaucoup, riait sans bruit en montrant ses dents qu'il avait belles et dont, comme du reste de sa personne, il semblait prendre le plus grand soin. Bonjour Sarah Mombert. Bonjour. Alors cet Aramis qui nous est décrit par Alexandre Dumas, c'est l'exact inverse de celui dont on parlait hier, le Porthos décrit là aussi dans Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas? Bien sûr, déjà physiquement. Physiquement, Porthos est fort, comme il a été dit hier, à tous les sens du terme. Aramis, lui, est plutôt fluet. Et puis c'est celui qui soigne son corps, qui est dans la distinction et la séduction. Dans la dentelle? Donc, dans la dentelle. Et puis, à la bêtise de Porthos, dont vous n'avez pas voulu parler hier, s'oppose la finesse d'Aramis, la finesse intellectuelle, la ruse. Et Aramis, c'est l'homme de l'intrigue, des menées souterraines. Est-ce que on tire le texte de Dumas dans ses trois ouvrages en se disant que peut-être Dumas n'aime pas beaucoup Aramis? C'est le moins sympathique des quatre, c'est certain. Sans doute parce que c'est celui dont Dumas lui-même se sentait le plus loin, comme caractère, comme implication dans la politique, cette conception très souterraine de l'action politique. Et puis c'est un menteur aussi, c'est celui qui utilise, il ment à Porthos dans le vicomte de Bragelonne, c'est quand même lui qui est la cause de sa mort. Toute une attitude qui est à l'opposé des valeurs de franchise, d'amitié, de fidélité qui étaient celles d'Alexandre Dumas. Alors, Hervé Drevillon, vous êtes spécialiste de la société militaire en particulier et également de la société militaire, justement, dans cette période du XVIIe siècle. Une des questions qu'on peut se poser à propos d'Aramis, c'est de se demander, voilà, quelqu'un qui hésite entre deux carrières, la carrière des armes et la carrière religieuse. Est-ce que c'est fréquent, cette hésitation, dans ce XVIIe siècle? Est-ce que lorsqu'on est un fils de famille, pas forcément d'une très grande famille, on peut hésiter comme cela entre prendre la robe ou prendre les armes? Oui, c'est une hésitation fréquente. Et même certains arrivent à concilier les deux vocations. Aramis, c'est le cas, d'ailleurs. Alors, Aramis, c'est le cas. On trouve au XVIIe siècle quelques figures d'ecclésiastiques hommes de guerre. C'est le cas, par exemple, de l'archevêque de Bordeaux, Sourdis, qui est un grand capitaine à la mer. C'est le cas de Richelieu. C'est le cas de Richelieu, bien entendu. Et c'est le cas aussi du cardinal de Lavalette, qui est un des plus grands généraux de la guerre de 30 ans. Alors, malgré tout, la façon dont Aramis, lui, dans le roman, articule les deux carrières est vraiment tout à fait inédite, puisque dans le roman, il embrasse d'abord la carrière militaire, et puis ensuite, il y a une sorte de carrière ecclésiastique qui se construit, voilà, de conversion. Il devient évêque de Vannes, puis général des Jésuites. Alors, dans ce sens-là, on n'en a pas d'exemple. Périne Cameron. Oui, puis on pourrait dire aussi que la figure d'Aramis est comme un écho à la figure de Richelieu qu'on vient d'évoquer, dans la façon, dans finalement, de la rivalité entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Et c'est peut-être ça aussi que veut illustrer Alexandre Dumas. Oui, tout à fait. Effectivement, on sait à quel point effectivement Richelieu constitue un contrepoint important autour duquel se structure beaucoup de la geste des mousquetaires. Mais sans vouloir retourner à Saint-Augustin ou retourner à Thomas d'Aquin, ces questions que peuvent se poser des hommes d'Église dans ces années qui sont des années très dures pour la guerre, donc avec une militarisation croissante des sociétés, avec, c'est ce que vous racontez dans l'individu et la guerre, Hervé Drévillon, avec la montée en puissance de très grandes guerres européennes qui ne cessent donc d'enflammer tout le territoire européen. Se posent-ils ce type de questions, les ecclésiastiques, de la justesse de ces guerres, de la nécessité d'y entrer, d'y participer ou pas du tout? Oui, on se pose la question effectivement de la justesse des guerres, et en particulier au temps de Richelieu, au moment où la France entre en guerre dans la guerre de 30 ans, en 1635, au moment où la France entre en guerre contre l'Espagne, se pose la question pour les ecclésiastiques, et même tout simplement pour les dévots, pour les gentilshommes qui ont des convictions religieuses, bien sûr, ancrées dans l'Église romaine, se pose la question de savoir si on peut s'allier avec les protestants pour faire la guerre contre un roi catholique, qui est le roi d'Espagne. Et ça, c'est un problème structurant dans la société française. Et c'est précisément autour de cette question que Richelieu construit la problématique de la raison d'État. Mmh. C'est-à-dire que servir le roi n'a, à partir de ce moment-là, plus rien à voir avec la question de l'engagement religieux. D'ailleurs, le véritable Aramis, puisqu'il y a toujours un véritable homme derrière ces figures que Dumas a construites, avait un père qui était huguenot, qui était capitaine. Effectivement, et le véritable Henri d'Aramis était lui-même, alors non pas véritablement ecclésiastique, puisqu'il était abbé laïque. Et donc, effectivement, ce type d'association existe. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement la façon dont, dans les années 1630-1640, se construit l'idée que faire la guerre n'engage pas les convictions religieuses personnelles. Il y a notamment en 1641 un ouvrage qui s'appelle « La guerre libre » et qui postule, je cite, « la liberté de conscience dans le fait de guerre ». C'est-à-dire que faire la guerre n'engage pas la responsabilité individuelle et donc ne nécessite pas. Ça veut dire qu'on peut être catholique et faire la guerre aux côtés de protestants, absolument, protestants et faire la guerre aux côtés de catholiques. Exactement. Et l'auteur de cet ouvrage, qui est resté anonyme, prend l'exemple d'Italiens catholiques qui servent les provinces unies qui sont calvinistes. Périne. Peut-être on peut rappeler pour les auteurs ce qu'est un abbé laïque, parce que c'est vrai que ça semble une figure assez paradoxale. Alors l'abbé laïque, c'est celui qui perçoit les bénéfices d'une abbaye sans en exercer la charge spirituelle. Alors, Sarah Mombert, si on avance un peu sur cette figure d'Aramis, on se posait la question avec Périne Cameron, juste avant cette émission, de se demander s'il n'est pas, alors il est l'opposé, on l'a dit, de Porthos au point de vue physique, mais s'il n'est pas aussi, au point de vue spirituel, une sorte de négatif d'un autre des mousquetaires, à savoir Athos, dont on parlait lundi, l'intendant peut-être par son caractère sombre et ombrageux et torturé, mélancolique, vers le jansénisme, et l'autre embrassant progressivement une carrière chez les jésuites. Certainement. Il faut rappeler que les mousquetaires de Dumas fonctionnent vraiment comme un groupe avant tout. Donc avec des jeux d'opposition, de renversement, d'alliance. Et Athos, par bien des traits, effectivement, tend vers le jansénisme, son austérité, son rigorisme moral. Alors que Aramis, lui, est beaucoup plus du côté de ce qu'on percevait au XIXe siècle comme caractérisant les jésuites, les restrictions mentales, la rhétorique, l'usage du langage, un usage éventuellement menteur du langage. Donc il y a une opposition entre les deux personnages sur ce plan-là. Vous voulez dire que là, il y a bien une matrice XIXe dans le récit, d'une vision du XIXe sur ce qu'était ce XVIIe siècle, en l'occurrence. J'en suis absolument persuadée. Les jésuites ont au XIXe siècle une très très mauvaise image, en particulier dans la littérature et dans la littérature populaire. Alors c'est un souvenir bien sûr du rôle qu'ils ont joué pendant la Restauration, la Restauration religieuse. Et tous les écrivains libéraux en ont gardé un très mauvais souvenir. Alors on trouve une trace de cela chez Stendhal, chez Balzac. Et puis, dans toute la littérature populaire aussi. Et dans toute la littérature populaire, il faut rappeler qu'au moment où paraissent les mousquetaires, les trois mousquetaires, Eugène Sue publie dans le Constitutionnel son grand roman anti-jésuite, qui est le Mystère de Paris. Non, pas les Mystères de Paris, le Juif errant. Grand roman contre les jésuites, où on voit les jésuites. C'est l'une des actualisations du mythe du complot jésuite, qui ont pour but la domination universelle. Et Dumas, au fur et à mesure de la publication de son cycle de romans, on le voit tendre de plus en plus vers cela. Et donc, je pense que c'est pour cela que la figure d'Aramis jésuite devient aussi noire. Et devient aussi importante dans le Vicomte de Bragelonne, où il est le personnage central, celui qui tente de faire l'histoire. C'est ça, puisque dans 20 ans après, il disparaît un petit peu, il passe au second plan, il est simplement embauché par Athos dans la tentative de sauver le roi d'Angleterre. En revanche, dans le Vicomte de Bragelonne, c'est lui qui mène toute l'intrigue historique. Périne. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que la vision de l'Église de Dumas dans les trois romans est très noire? Est-ce que c'est aussi une vision 19e-iste de la religion en général? Oui, c'est une vision propre au 19e siècle. Et en particulier, donc, ça s'incarne dans Aramis, dont on peut penser, enfin il le dit lui-même, il le laisse entendre lui-même, qu'il n'est même pas croyant. Il y a un moment dans 20 ans après où il s'adresse à Athos en lui disant « Vous qui êtes croyant ». Alors, bon, Dumas avait une relation sans problème, mais sans investissement particulier non plus dans la religion. Il n'était sans doute pas très bon catholique. Alors, ça se traduit certainement comme ça aussi. Deuxième portrait d'Aramis, toujours tiré des Trois Mousquetaires, lu par Daniel Königsberg. Aramis, tout en ayant l'air de n'avoir aucun secret, était un garçon tout confit de mystère, répondant peu aux questions qu'on lui faisait sur les autres et éludant celles que l'on faisait sur lui-même. Un jour, D'Artagnan, après l'avoir longtemps interrogé sur Porthos et en avoir appris ce bruit qui courait de la bonne fortune du mousquetaire avec une princesse, voulut savoir aussi à quoi s'en tenir sur les aventures amoureuses de son interlocuteur. « Et vous, mon cher compagnon, lui dit-il, vous parlez des baronnes, des comtesses et des princesses des autres. Pardon. » interrompit Aramis. J'ai parlé parce que Porthos en parle lui-même, parce qu'il a crié toutes ces belles choses devant moi, mais croyez bien, mon cher monsieur D'Artagnan, que si je les tenais d'une autre source, ou qu'il me les eût confiées, il n'y aurait pas eu de confesseur plus discret que moi. Voilà de l'hypocrisie à 100 sous la livre, comme on pourrait dire dans ces périodes du XVIIe siècle. Hervé Drevillon, sur ce que disait juste avant cette lecture Sarah Monbert, à savoir cette image noire de la religion du XVIIe siècle transposée dans le XIXe siècle. Il faut toujours faire l'aller-retour entre ce XVIIe et ce XIXe quand on parle de Dumas et de Dumas racontant le XVIIe siècle. Oui, en effet, et cette opposition entre les jansénistes et les jésuites qui devient véritablement structurante dans la deuxième moitié du, XVIIe siècle, elle se joue aussi sur la façon d'assumer la part guerrière de la noblesse, puisque c'est un des grands reproches que Pascal fait aux jésuites, notamment sur la question du duel. Et on sait à quel point nos mousquetaires ont ce goût-là. Ce que reproche Pascal aux jésuites sur la question des duels dans, dans les provinciales, c'est précisément cette capacité à concéder beaucoup à l'idéal nobiliaire qui consiste à défendre son honneur. Les jésuites considérant qu'on ne peut pas demander à un gentilhomme de renoncer à ce qu'il est, à son être social, et un être social qui va même plus loin que la surface des choses, qui est son être intime. Et donc on ne peut pas demander à un gentilhomme de renoncer à son honneur. C'est la raison pour laquelle les jésuites s'accommodent assez facilement de la nécessité de défendre son honneur, les armes à la main. Et donc là, on peut se dire que dans un roman de Café d'Épée, où cette question du duel est centrale, Dumas a bien fait de faire d'Aramis un jésuite, d'une certaine façon. Absolument. Et il a peut-être mal fait de considérer Athos, finalement, comme un parangon de cette vertu-là, puisque Athos lui-même ne rechigne pas à mettre la main à l'épée. Et aussi à boire beaucoup, ce qui n'est peut-être pas le caractère principal des jansénistes. Alors, mais il arrête de boire. Oui, il arrête de boire, c'est vrai, vous avez raison. Sarah Monbert, quand on travaille sur cette littérature, comme vous l'avez fait, en particulier sur cette littérature de Café d'Épée, vous insistez beaucoup pour dire, alors certes, on imagine qu'il y a peut-être du Walter Scott derrière cela, et donc cette influence considérable qu'a pu avoir Walter Scott sur la littérature mondiale, enfin européenne du 19e siècle, comme précurseur de ces histoires de Café d'Épée. Mais vous imaginez tout de même que Dumas invente le genre en France, d'une certaine façon. Vous dites bien que c'est par les Trois Mousquetaires que tous les autres vont suivre, et tous ces nombreux suiveurs qui vont, dans la littérature populaire, faire des fils aux uns et aux autres, raconter des frères, des filleuls, et multiplier les personnages déjà nombreux qu'on peut trouver dans la saga créée par Dumas. Oui, Dumas avait fait un tout petit essai quelques années avant Les Trois Mousquetaires avec Le Chevalier d'Harmental, mais qui est plus un roman. Il y a moins d'aventures dans Le Chevalier d'Harmental, plus d'intrigues sentimentales. Donc c'est plutôt un roman historico-sentimental, comme on pouvait en trouver déjà avant Dumas. En revanche, c'est vraiment en 1844, lorsque, avec Mackay, il commence à exploiter le matériau proposé par Courtil de Sandras, et les mémorialistes du XVIIe siècle, c'est vraiment là qu'il trouve cet équilibre tout à fait particulier de l'histoire et de l'aventure, de l'histoire telle qu'on la trouve enregistrée dans les annales, et de l'aventure privée, des motivations privées, qui va définir une sorte de, effectivement, d'étalon, oui, une sorte d'étalon du genre. Typiquement d'un genre typiquement français à l'époque, et qui va avoir un succès immense, d'abord exploité par lui-même, puis par beaucoup d'autres imitateurs et successeurs. Mais puisque nous faisons toujours cet aller-retour entre 17e et 19e siècle à partir de cette œuvre de Dumas, pourquoi ça naît à ce moment-là, vous qui avez travaillé sur ce sujet-là, pourquoi, et quelles sont les valeurs, les idées que transposant son intrigue au XVIIe siècle, veut promouvoir Dumas dans ses romans de la première moitié, fin de la première moitié du XIXe. Alors, le fait, comme l'a fait Dumas, de mettre au premier plan de la fiction des personnages qui n'ont à peu près que des noms, hein, les modèles d'Athos, Porthos et Aramis n'ont pas d'existence historique propre. Hein. On sait simplement qu'ils ont existé, mais on n'en sait guère plus. Lui permet d'investir dans ces personnages beaucoup d'imaginaire et de les faire progresser dans la société. Et ça lui permet de montrer donc des carrières qui se créent, des destins, sans être du tout bloqué ou contraint par ce que disent les historiens, ce que dit l'histoire sur la carrière de ces personnages. Et puis dans ce mélange qu'il peut y avoir entre ces personnages peu connus, qu'il reprend, dont il reprend les noms, et puis de l'autre côté, les plus célèbres. C'est ça. Et donc ça lui permet d'investir des valeurs libérales, de progression sociale, des valeurs modernes, une psychologie moderne dans ces personnages. Donc c'est pour ça, je pense, que le genre, tel qu'il l'a défini, s'invente dans les années 40. Périne. Oui, et d'ailleurs, ces trois romans sont aussi les romans de comment on fait carrière. Comment on fait carrière quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, comment on fait carrière dans les armes, dans la politique. Et puis, c'est peut-être aussi un écho à comment on fait carrière après l'épopée napoléonienne. C'est-à-dire qu'il y a cette question de la progression sociale. Oui. Ah, mon père. Alexandre Dumas est venu au roman tardivement. Il était d'abord dramaturge et il s'est mis à écrire Les Trois Mousquetaires à un moment où sa carrière de dramaturge était arrêtée. 1843, c'est la chute des Burgraves de Victor Hugo, c'est la fin du drame romantique. Et donc il se réinvente, il s'invente à lui-même une nouvelle carrière avec le roman de Capet-d'Épée. Et c'est en quelque sorte le reflet de cela qu'on a dans le roman avec ces avatars de ces personnages à chacune des suites du roman qui s'ouvre une nouvelle carrière. Hervé Drévillon, sur cette question de la carrière au XVIIe siècle. Oui, je crois que c'est vraiment en cela que Dumas a été le plus fidèle à l'esprit du XVIIe siècle. Parce que c'est véritablement l'obsession de toute cette noblesse du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs cette histoire que raconte Courtil de Sandras dans les mémoires de M. D'Artagnan, qui sont publiées en 1700. Mémoire apocryphe, il faut le rappeler. Voilà. C'est l'histoire d'une ambition. Et la question qui est posée par le D'Artagnan de Courtil de Sandras, c'est de savoir comment on peut faire carrière en ayant un certain nombre d'idéaux, le jeune D'Artagnan, on sait lesquels ils sont, et en servant le roi, ce qui oblige à un certain nombre de concessions, voire plus, de compromissions. Et précisément cette tension entre les exigences morales de la noblesse, voire des exigences politiques. Hein, le XVIIe siècle, c'est le siècle de la révolte, le siècle des révoltes nobiliaires, et on sait à quel point la Fronde, par exemple, joue un rôle important dans 20 ans après, bien sûr. Et donc, le XVIIe siècle est souvent le théâtre de cet affrontement entre la conscience individuelle et la nécessité de se plier à un certain nombre d'exigences. Et notre personnage d'Aramis, précisément, lui, est celui en qui ce conflit se joue d'une certaine façon, qui est précisément cette façon de s'accommoder et de jouer du secret en particulier. Et il y a aussi un peu de social, puisque ces mousquetaires ont également des laquais. Troisième extrait, lu par Daniel Königsberg, des Trois Mousquetaires. Le laquais d'Aramis s'appelait Bazin. Grâce à l'espérance qu'avait son maître d'entrer un jour dans les ordres, il était toujours vêtu de noir, comme doit l'être le serviteur d'un homme d'église. C'était un berrichon de 35 à 40 ans, doux, paisible, grassouillé, occupant à lire de pieux ouvrages les loisirs que lui laissait son maître, faisant à la rigueur pour deux un dîner de peu de plats, mais excellent. Au reste, muet, aveugle, sourd, et d'une fidélité à toute épreuve. Quel portrait en quelques lignes, Sarah Mombert, parce que tout compte fait, voilà le portrait de l'hypocrite, celui d'Aramis, celui qui, tout au long de ses romans, va changer d'avis, servir sa propre cause plutôt que la cause de l'amitié. On en parlait à propos d'Athos lundi, mais il a un valet fidèle qui lui est muet, aveugle et sourd, et d'une fidélité à toute épreuve. Il est fidèle, mais surtout, Bazin représente le laquais idéal de l'homme du secret. Donc c'est celui qui est toujours capable... C'est le Bernardo de Zorro, si on peut dire. Il est, par exemple, au début de 20 ans après, lorsque D'Artagnan essaye de retrouver ses amis, Aramis est dans un couvent à Noisy et on entre chez Aramis par la fenêtre. Et c'est Bazin, bien sûr, qui sert d'introducteur, enfin plus exactement, qui essaye d'empêcher D'Artagnan d'entrer chez son maître parce qu'il sait qu'il va le tirer vers une nouvelle aventure alors qu'il aimerait que son maître aille vers les armes. Mais donc voilà, c'est un filtre. Bazin est aussi un filtre entre l'aventure, l'engagement politique, l'action et la carrière d'homme d'église qu'il rêve pour son maître. Hervé Drévillon, ce personnage d'Aramis, c'est un personnage complexe qui évolue tout au long de ses trois romans, qui aussi est peut-être le plus mobile des quatre mousquetaires, c'est-à-dire c'est celui qui ne va pas rester d'un bloc, comme le Porthos dont on parlait hier, tué sous les rochers de Belle-Île, mais qui va savoir justement emprunter la belle carrière, choisir les bons chemins, en tout cas faire progresser son existence. Et donc c'est le personnage mobile par excellence. Et qui incarne d'une certaine façon la mobilité qui est imposée à cette noblesse du XVIIe siècle. Pourquoi est-elle imposée cette mobilité ? On change vraiment d'époque entre le 1er et le 17e siècle et le 2e 17e siècle, comme on le disait en particulier lundi avec Jean-Marie Constant ? Oui, absolument, parce que la première moitié du XVIIe siècle, justement, est le temps d'un ajustement extrêmement complexe de la noblesse qui se traduit par des révoltes, ajustement aux contraintes imposées par celle de l'absolutisme, d'une autorité royale qui restructure complètement et les relations sociales à l'intérieur de la noblesse et même donc les idéaux de la noblesse. Et donc une deuxième moitié qui est la moitié du siècle, qui est le moment où la noblesse se curialise de façon cette fois irréversible et qui impose de nouvelles formes de comportement et en particulier justement cette adaptation à la nécessité de la dissimulation. C'est ce qui explique tous les traités de courtisans, notamment celui de Balthazar Gracian qui joue un très grand rôle au XVIIe siècle et qui impose la nécessité de dissimuler ses sentiments, de préserver un certain nombre d'apparences. Et de pacifier en tout cas de l'extérieur. D'ailleurs, ses mœurs en particulier. Exactement. Et le goût du duel, d'ailleurs, en est une conséquence. C'est-à-dire que c'est une façon de, malgré tout, dans une société policée, de préserver cette part de violence qui est constitutive dans l'idéal nobiliaire. Périne Cabran. Oui, puis c'est cette question de la mobilité aussi, dans la façon dont, dans le Vicomte de Bragelonne, finalement, Aramis veut détrôner Louis XIV. Donc c'est la trahison suprême à travers la question du masque de fer. Et puis finalement, il est pardonné. Voilà, mais comme Louis XIV pardonnait assez souvent finalement, contrairement d'ailleurs à Louis XIII et Richelieu. Oui. Souvent et ça se terminait par la mort généralement. Par la mort, des procès qui étaient montés de toutes pièces hein, et où on appliquait une sorte de justice préventive extrêmement brutale. Et donc Louis XIV, après la Fronde, effectivement, pardonne par exemple au prince de Condé, qui est la grande incarnation hein, de la révolte nobiliaire. C'est ce qui fait dire d'ailleurs que la noblesse aussi malgré tout est parvenue à trouver son compte hein, dans ce système-là. On insiste toujours sur Fouquet, on oublie effectivement Condé. Ouais. Exactement, et Condé a su tirer parti, bien sûr a su aussi tirer profit de son ralliement, bien évidemment, mais ça a supposé un changement assez profond de l'habitus aristocratique. Sarah Mombert, sur ce point. Oui, Aramis, c'est celui qui, effectivement, tente d'opérer la substitution du masque de fer, hein, c'est-à-dire d'un jumeau de Louis XIV au roi. Alors, pour cela, pour raconter cet épisode qui, bien sûr, qui parle beaucoup à l'imaginaire, Alexandre Dumas est allé piocher chez Voltaire et puis il y a mis un petit peu du sien aussi. Hein, donc il a choisi dans toutes les hypothèses qui ont pu être proposées au fil du temps sur l'identité de ce mystérieux prisonnier au masque de fer. Il a choisi la version la plus romanesque et Aramis, précisément parce que depuis le début des Trois Mousquetaires, on insiste sur ses grandes capacités de manipulation et celui qui va tenter d'opérer la substitution. Avant justement d'en arriver aux Vicomtes de Bragelonne, dernier extrait des Trois Mousquetaires eux-mêmes à propos de ceux d'Aramis. Cet Aramis, mais l'Aramis premier temps, pourrait-on dire, celui d'avant 20 ans après et encore bien avant le Vicomte de Bragelonne. Aramis ne jouait jamais. C'était bien le plus mauvais mousquetaire et le plus méchant convive qui se pût voir. Il avait toujours besoin de travailler. Quelquefois, au milieu d'un dîner, quand chacun, dans l'entraînement du vin et dans la chaleur de la conversation, croyait que l'on en avait encore pour 2 ou 3 heures à rester à table, Aramis regardait sa montre, se levait avec un gracieux sourire et prenait congé de la société pour aller, disait-il, consulter un casuiste avec lequel il avait rendez-vous. D'autres fois, il retournait à son logis pour écrire une thèse et prier ses amis de ne pas le distraire. Cependant, Athos souriait de ce charmant sourire mélancolique, si bien séant sa noble figure. Et Porthos buvait en jurant qu'Aramis ne serait jamais qu'un curé de village. On aime ça quand même, hein, Périne Cabron. Tout le monde sourit à ces quelques lignes de Dumas. Oui, je me disais que peut-être c'était, après ce texte, l'occasion d'aborder aussi la question d'Aramis le libertin, c'est-à-dire Aramis qui a toujours en affaire avec des jeunes femmes qu'il rejoint en secret, des mouchoirs de dentelle qui tombent. Et c'est peut-être voilà, le libertinage du XVIIe siècle, ce premier libertinage qu'il incarne aussi. Sarah Mombert. Oui, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Aramis prétend entrer chez lui pour écrire une thèse. C'est bien sûr un prétexte. On suppose qu'il va plutôt à un rendez-vous galant. Mais chez Aramis, le libertinage ou la galanterie, c'est toujours lié à la politique. Il est dans Les Trois Mousquetaires, il est l'amant de Madame de Chevreuse, à qui il écrit... sous le nom de Marie Michon. Enfin, il s'adresse à lui comme Marie Michon... lingère à Tours, et c'est un moyen bien sûr de joindre la reine. Il passe par son intermédiaire pour joindre la reine. Donc la galanterie a toujours une dimension politique. Et ça continue dans le reste du cycle des Mousquetaires, puisqu'il est ensuite, dans 20 ans après, l'amant de Madame de Longueville. On suppose d'ailleurs que le fils de Madame de Longueville est le fils d'Aramis. Donc il y a toujours cette double dimension, c'est-à-dire que ça n'est pas un séducteur... pour la séduction, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'amour, il aime l'amour comme biais du politique. Parce que c'est un génie machiavélique, pourrait-on dire, cet Aramis chez Dumas ? Certainement, et c'est pour cela qu'il ne meurt pas. Vous avez rappelé en commençant cette émission que c'est le seul des mousquetaires qui ne meurt pas à la fin du cycle de romans. C'est une sorte de personnage faustien, celui qui est capable de tout faire pour se survivre à lui-même et... Et c'est un personnage qui correspond parfaitement aussi au boulevard du crime, à ce qui va naître au XIXe siècle, c'est-à-dire ces personnages que l'on voit tomber dans des abîmes absolument extraordinaires, ou même plus tard chez Conan Doyle, donc des personnages qui, malgré le fait qu'on pense qu'ils sont morts, vont ressusciter et revenir sur scène pour hanter ceux qui sont encore vivants. Oui, la figure la plus connue de ce type chez Alexandre Dumas, c'est bien sûr le comte de Monte-Cristo, Edmond Dantès, revenu à la vie sous une forme quelque peu vampirique et faustienne. L'increvable Edmond Dantès. Voilà. Et Aramis, comme lui, a cette parfaite contention corporelle, maîtrise de lui-même et beaucoup de desseins secrets. Alors, ça n'est pas un être de la vengeance. Contrairement à Monte-Cristo, mais ils ont beaucoup de points de ressemblance et ce sont des personnages que Dumas invente à peu près à la même époque. Alors, rappelons les deux dernières phrases du vicomte de Bragelonne. Donc, donc D'Artagnan est en train de mourir, devenu maréchal lors du siège de Maastricht. Il dit « Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu. Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, termine Dumas, il ne restait plus qu'un seul corps. » Dieu avait repris les âmes. On voit bien effectivement Dieu que... ne veut peut-être pas de l'âme d'Aramis. Dieu ne veut sûrement pas de l'âme d'Aramis. Cinquième extrait de cette émission consacrée à Aramis dans notre série des Trois Mousquetaires. Donc là, on a changé de roman, on est passé 20 ans après et D'Artagnan et Aramis se rencontrent à nouveau. À quoi songez-vous, D'Artagnan, dit-il ? Et quelle pensée vous a fait sourire ? Je songe, mon cher, que lorsque vous étiez mousquetaire, vous tourniez sans cesse à l'abbé, et qu'aujourd'hui que vous êtes abbé, vous me paraissez tourner fort au mousquetaire. C'est vrai, dit Aramis en riant. L'homme, vous le savez, mon cher D'Artagnan, est un étrange animal, tout composé de contrastes. Depuis que je suis abbé, je ne rêve plus que bataille. Cela se voit à votre ameublement, vous avez là des rapières de toutes les formes et pour les goûts les plus difficiles. Est-ce que vous tirez toujours bien ? Moi, je tire comme vous tiriez autrefois, mieux encore peut-être. Je ne fais que cela toute la journée. Et avec qui ? Avec un excellent maître d'armes que nous avons ici. Comment ? Ici ? Oui, dans ce couvent, mon cher. Il y a de tout dans un couvent de jésuites. Alors vous auriez tué monsieur de Marcillac s'il fût venu vous attaquer seul au lieu de tenir tête à 20 hommes ? Parfaitement, dit Aramis. Et même à la tête de ces 20 hommes, si j'avais pu dégainer sans être reconnu. Dieu me pardonne, dit tout bas d'Artagnan. Je crois qu'il est devenu plus gascon que moi. Puis tout haut. Eh bien, mon cher Aramis, vous me demandez pourquoi je vous cherchais ? Non, je ne vous le demandais pas, dit Aramis avec son air fin. Mais j'attendais que vous me le dissiez. Eh bien, je vous cherchais pour vous offrir, tout uniquement, un moyen de tuer monsieur de Marcillac, quand cela vous fera plaisir, tout prince qu'il est. Tiens, tiens, tiens, dit Aramis. C'est une idée, cela. Hervé de Révillon, après cet extrait lu par Daniel Königsberg de 20 ans après, cette obsession des armes, on n'a pas encore évoqué ce point central, à la fois dans Les Trois Mousquetaires, mais également dans l'exposition à laquelle vous avez participé et au catalogue de laquelle vous avez contribué, Hervé de Révillon, au Musée de l'Armée. Cette obsession des armes, c'est une obsession particulière, la qualité des armes, le métal de ces armes, le fer de ces armes, et toute la façon dont on les pare également des plus beaux atours. Oui, le XVIIe siècle est vraiment le siècle d'abord au cours duquel une escrime savante et typiquement française se constitue. Et chez les mousquetaires en particulier. Et on sait que leur implantation initiale dans le faubourg Saint-Germain était aussi le lieu de prédilection de l'implantation des académies de gentilshommes dans lesquelles on apprenait à monter et dans lesquelles on apprenait aussi à tirer des armes, comme on disait, c'est-à-dire à pratiquer l'escrime, mais aussi le lieu de prédilection d'installation des maîtres d'armes. Et donc c'est un quartier à la fois aristocratique, mais aussi extrêmement violent finalement, puisque l'escrime s'y pratique à tous les coins de rue, dans les salles d'armes et parfois hors des salles d'armes, notamment sur le pré au clair, où on se donne rendez-vous pour se battre en duel. Et donc autour de la constitution de cette escrime savante se joue aussi une sorte d'émergence d'un culte de l'épée, qui est à la fois un élément d'ornementation, mais également dont les qualités dynamiques sont essentielles pour la définition de l'escrime qu'on veut pratiquer. Par exemple, il n'y a pas d'escrime des stocks, c'est-à-dire de coups de pointe, qui est le type d'action autour duquel se constitue l'escrime au XVIIe siècle, sans un acier particulier qui allie des qualités très, très, très spécifiques, à la fois de souplesse, mais aussi de résistance. Et donc, il y a un intérêt, un goût pour la belle arme. Pour la belle arme, parce que c'est aussi un instrument civil. On porte l'épée au côté. Et c'est un instrument de distinction. Et en particulier, les mousquetaires sont armés d'une épée dont ils se servent aussi bien à la ville qu'à la cour. C'est seulement à la fin du XVIIe siècle qu'on distinguera les deux usages pour lesquels il y aura deux épées différentes, à la fois une épée de guerre qui est forte, lourde, et une épée de cour beaucoup plus légère qui peut servir, elle, à se battre en duel. Périne Quinran. Il y a d'ailleurs dans l'exposition, Hervé de Révillon, quelque chose qui fait penser beaucoup à Aramis, c'est ces figures des bretteurs de dos, donc où on voit tout le plaisir qu'on a à représenter ces hommes d'armes, leurs costumes, et on voit aussi tout le soin que mettaient les mousquetaires, quand ils avaient les moyens, quand ils trouvaient une femme pour payer un peu leur tenue, à soigner cette tenue. Oui, alors la tenue des mousquetaires, c'est vraiment un élément essentiel de leur identité. Il faut savoir que dans toute la plus grande partie du XVIIe siècle, c'est-à-dire jusque dans les années 1680, l'uniforme n'est pas la règle dans l'armée. Seules quelques unités sont dotées d'uniformes, et en particulier les unités de la maison du roi. Et donc, et par ailleurs, l'uniforme des mousquetaires tient à la fois de l'uniforme et de la livrée, puisque finalement, ça souligne aussi le caractère domestique, l'attachement à la personne même du roi. Et donc la casaque des mousquetaires, célèbre casaque frappée de la croix, est un élément qui fait d'eux une unité tout à fait originale que l'on reconnaît entre toutes et qui est aussi un élément constitutif de la fierté et de l'identité, on dirait aujourd'hui de l'esprit de corps. Mais d'ailleurs, il y a cette lecture, peut-être qu'il y a une lecture postérieure qu'ont fait pas mal de cinéastes dans les adaptations d'Alexandre Dumas, de faire d'Aramis une figure efféminée, une figure qui pourrait faire penser à la figure d'un homosexuel qui serait peut-être pas totalement déclaré, et que le lecteur d'aujourd'hui parfois peut interpréter comme ça aussi dans le livre. Et pourtant, ce soin à la tenue, cet amour de la dentelle, qu'on voit vraiment dans l'exposition, c'est une lecture qui est complètement faussée par rapport à la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. Tout à fait, parce que au XVIIe siècle, il n'est pas jugé inconvenant de se parer de dentelles, d'avoir des vêtements tout à fait raffinés. La mode est un élément aussi bien masculin que féminin. Et c'est seulement à la fin du XVIIe siècle qu'on commence à distinguer une sorte de virilité militaire qui exclut un certain nombre d'ornements. Par exemple, Vauban se plaint de ce goût pour la dentelle des habits superflus. Alors que dans la première moitié du XVIIe siècle, il n'est pas du tout considéré comme relevant d'une Louis pratique efféminée. Louis XIII en est un exemple lui-même. Exactement. De la même manière qu'on étudiait la danse autant que l'épée à l'école des mousquetaires. Voilà, effectivement. Danse, équitation, escrime sont les trois disciplines qui forment le gentilhomme et le militaire. Dernier extrait de cette émission consacrée à Aramis dans la fabrique de l'histoire dans notre série sur les mousquetaires à l'occasion de cette exposition qui vient d'ouvrir au musée de l'armée à Paris, lu par Daniel Königsberg. On est dans le Vicomte de Bragelonne, le dernier volet de la trilogie d'Alexandre Dumas. Aimons-nous pour quatre, dit D'Artagnan. Nous ne sommes plus que deux. Et tu ne me verras peut-être plus, cher D'Artagnan, dit Aramis. Si tu savais comme je t'ai aimé. Je suis vieux, je suis éteint, je suis mort. Mon ami, dit D'Artagnan, tu vivras plus que moi. La diplomatie t'ordonne de vivre, mais moi, l'honneur me condamne à mort. Bah, les hommes comme nous, monsieur le maréchal, dit Aramis, ne meurent que rassasiés de joie et de gloire. Ah, répliqua D'Artagnan avec un triste sourire, c'est qu'à présent je ne me sens plus d'appétit, monsieur le duc. Ils s'embrassèrent encore et, 2 heures après, ils étaient séparés. Il faut dire que pour que nos auditeurs qui n'auraient pas en tête la trilogie de Dumas s'en rappellent, qu'au bout du compte, cet Aramis-là, il est duc espagnol au moment où il est dans le Vicomte de Bragelonne. Il est ambassadeur même d'Espagne et qu'il n'est plus celui qui servait le roi de France, mais il est celui qui sert le roi d'Espagne. On ne sait jamais très bien qui sert véritablement lui-même, Aramis. Lui-même, voilà, dites-vous. C'est lui-même avant tout. Il sert d'abord lui-même. Alors, la figure du jésuite espagnol, qui est un diplomate, dont on ne sait pas très bien qui il sert. Est-ce que ce sont les intérêts de la France ou ceux d'une autre puissance? C'est bien sûr une figure littéraire très, très puissante au XIXe siècle. Si vous vous souvenez d'Illusion perdue de Balzac, le moment où on voit réapparaître Vautrin à la fin d'Illusion perdue, c'est sous les traits de l'abbé espagnol Carlos Herrera, jésuite. Voilà, donc c'est une figure de cette famille-là, hein, l'Aramis de la fin du Vicomte de Bragelonne. Ce que vous racontez de très belle façon, je trouve, Sarah Mombert, à propos du Vicomte de Bragelonne, c'est que vous nous dites que plus on avance dans l'œuvre de Dumas, plus l'histoire, avec sa grande hache, comme aime le dire dans cette émission généralement Pascal Horry, est présente. C'est-à-dire que au départ, l'histoire est un décor dans les Trois Mousquetaires et à la fin, dans le Vicomte de Bragelonne, l'histoire est centrale et ce sont les mousquetaires qui la font, alors qu'auparavant, ils ne sont qu'une périphérie de cette grande histoire. Oui, alors ça tient certainement au fait que lorsque Alexandre Dumas écrit le vicomte de Bragelonne, il y a des événements historiques qui ont lieu. Hein, c'est le moment de la révolution de 1848. Voilà. Et donc, il y a une actualité du mouvement de l'histoire qui est tout à fait différente de celle du moment plus pacifique de 1844 où il écrivait Les Trois Mousquetaires. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est assez formidable dans ce vicomte de Bragelonne que vous pointez du doigt, Sarah Mombert. C'est que c'est la fin de l'homo heroicus, vous dites. Et au bout du compte, c'est un peu ce que nous raconte aussi le spécialiste du XVIIe siècle et de la société militaire qui est Hervé de Révillon. C'est la fin de l'homo heroicus, c'est-à-dire que celui qui va renverser les trônes ou au contraire qui va mettre sur le trône celui qu'il souhaite ou tenter de le faire au moins, eh bien, il n'est plus là, on n'y arrive plus. Non, il n'y a plus de héros sous Louis XIV, parce que Louis XIV est le seul héros possible, en quelque sorte. Et les mousquetaires prennent acte de cette privation de leur qualité de seigneur, hein, de la noblesse traditionnelle au moment de la curialisation. On a dans le roman plusieurs moments où l'époque de Louis XIII est comparée à celle de Louis XIV comme d'une époque des géants à une époque des nains. Et cela peut-être du mal au doigt à sa source, c'est-à-dire à ses mémoires apocryphes de D'Artagnan, écrits en 1701-1702 par un libelliste, donc Courtille de Sandrard, qui est un personnage qui, tout le monde comprend que quand il écrit ses mémoires de D'Artagnan, c'est pour critiquer le roi vieillissant, qui mourra quelques années plus tard, Hervé de Révillon. Oui, c'est pour critiquer le triomphe du pouvoir absolu et les compromissions que ce triomphe impose à la noblesse. Et donc, Courtille de Sandras fait de D'Artagnan et des mousquetaires, mais bon, D'Artagnan essentiellement, celui qui incarne justement la confrontation de la noblesse à cette nécessité de se compromettre. Et c'est aussi, d'une certaine façon, à la fois le roman d'un succès, puisque D'Artagnan connaît une ascension fulgurante, mais en même temps, un succès très très chèrement payé, et c'est ce qu'exprime aussi très très bien Dumas, d'ailleurs, hein, à la fin, effectivement, de Bragelonne, cette mort terrible. Alors, là, c'est une petite erreur de Dumas, il n'a jamais été question de faire de D'Artagnan un maréchal de France, peut-être un maréchal de camp, mais un maréchal de camp n'a pas de bâton de maréchal, mais à l'exception de ce petit détail qui n'a pas grande importance, Dumas a parfaitement bien restitué cette question. Périne Quimbron. Alors finalement, Sarah Mombert, c'est le triomphe d'Aramis, c'est-à-dire que c'est lui qui survit, c'est lui qui s'en sort et... Oui, c'est le triomphe d'Aramis, c'est le triomphe de temps nouveaux dans lesquels la politique a plus d'importance que simplement la puissance des armes. Et que l'honneur. Et que l'honneur. Et ça s'inscrit dans une conception de l'histoire qu'avait Dumas, une conception générale de l'histoire et qu'il raconte finalement dans l'ensemble de ses différents cycles romanesques, puisqu'il a raconté aussi bien le XVIe siècle, le XVIIe que la Révolution française, d'une promotion du politique au détriment de la noblesse et qui aboutit finalement à la Révolution française. Périne. Et c'est aussi peut-être alors on peut dire la défaite de Dumas lui-même, puisque vous dites ce qu'on n'a pas évoqué hier, que Dumas était finalement l'autoportrait de Porthos, Porthos donc écrasé par la trahison d'Aramis et puis par cette société qui l'engloutit. Oui, c'est... D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire ce qu'il raconte dans le vicomte de Bragelonne, enfin la part d'investissement c'est très amer. Affectif. Voilà, c'est la vieillesse, c'est la perte des illusions de la jeunesse, tout un côté désillusionné. Et puis c'est le triomphe de la moralité, mais pas la moralité, mais la moralité L apostrophe, c'est-à-dire celui qui l'emporte, on l'a dit, c'est Aramis. Et cette amoralité, c'est une amoralité relativement moderne, dites-vous, Sarah Mombert. Oui, et Dumas se sentait en quelque sorte obligé de l'écrire. Il y a un très beau texte d'Alexandre Dumas fils qui raconte comment il a vu son père, enfin dans quel état il a vu son père au moment où il écrivait La mort de Porthos. Et c'est un homme complètement dévasté. C'est comme s'il avait écrit sa propre mort, en quelque sorte. Hein. Hervé de Révillon, sur la moralité qui l'emporte à la fin de cette œuvre de Dumas. La moralité, effectivement, est la mort de l'honneur. puisque, et là aussi, c'est un sentiment que les contemporains ont au XVIIe siècle. Les appréciations, par exemple, qui ont été portées sur la mort de D'Artagnan sont terribles. Il y a d'une part, effectivement, l'exaltation du héros. D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil, Juliani de Saint-Blaise, ouais. Mais également... À Maastricht, devant les... À Maastricht, effectivement. Et pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il tenté cet assaut alors qu'il était tout seul et que, voilà, au bout du compte, il allait à la mort directement? Et un des mousquetaires de D'Artagnan, Carré d'Aligny, raconte dans ses mémoires que les commentaires qui ont été portés sur la mort de D'Artagnan sont terribles. Il dit « Certains disaient que c'était une témérité de jeune homme. » Vauban a un jugement extrêmement péjoratif et négatif sur le sacrifice de D'Artagnan, qui est jugé inutile. Alors, je voudrais terminer cette émission, puisque demain, c'est une balade dans l'exposition que vous avez réalisée, Perrine Kervran, avec Renaud Dalmar et avec vos invités. Autour de D'Artagnan. Voilà, autour de D'Artagnan, qui clôt donc ce cycle autour des mousquetaires, par ce qu'on appelle aux États-Unis ou en Angleterre les Untold Stories. Vous racontez comment il y a eu au 19e siècle beaucoup de gens qui ont repris cette histoire des mousquetaires. Si vous aviez à reprendre Sarah Monbert, comme l'ont fait à propos de Conan Doyle et de Sherlock Holmes, tout un tas d'histoires comme ça, de combler les trous de Dumas, vous feriez quoi, vous, par exemple? Est-ce qu'il y a une histoire que vous voudriez voir développer, qui vous intéresserait, par exemple? Alors, ça a été déjà très, très abondamment fait. Donc oui, vous pourriez. Avec plus ou moins de... plus ou moins de succès et d'intérêt, mais je suis très séduite par la solution qu'a, enfin la suite qu'a proposé un romancier journaliste il y a quelques années, Jean-Pierre Dufresne, ouais, qui raconte justement ce qui reste d'Aramis, puisque ce que devient Aramis, puisque c'est le seul dont le sort n'est finalement pas bouclé à la fin du roman. Le dernier amour d'Aramis. Donc je crois que je raconterai ça. Et vous, si vous aviez à raconter une histoire en creux, dans les creux de l'histoire de Dumas autour de ce XVIIe siècle? Alors, c'est, je vais vous décevoir, mais enfin, je suis un tel lecteur de Dumas que j'arrive pas à me sortir du modèle. Et la seule alternative serait celle qui a aussi déjà été écrite par Courtine de Sandras. Donc pardonnez-moi. Et en plus, étant historien, j'ai pas du tout l'âme d'un romancier. Il faudrait faire l'enfance des mousquetaires. Peut-être. Ouais, ce qu'on appelle les prequels, voilà, aux États-Unis et à Hollywood, en l'occurrence. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir joué ce jeu. Hervé Drévillon, je rappelle qu'on peut vous lire dans L'Individu et la guerre. Vous étiez venu à la Fabrique de l'Histoire pour en parler. Une grande fresque du rapport, justement, de l'évolution de la guerre dans nos sociétés, depuis le chevalier Bayard jusqu'au soldat inconnu. C'est chez Belin. Vous participez également au catalogue de mousquetaires. C'est chez Gallimard et Musée de l'Armée. Et pour vous lire, Sarah Monbert, et également comprendre votre travail, on peut aller sur alexandredumas.org, c'est ça, le site sur lequel vous avez en particulier édité les journaux publiés et dirigés par Alexandre Dumas. Et ces journaux s'appelaient Le Mousquetaire, Le D'Artagnan, Le Monte Cristo. Puis on attend avec impatience votre livre bientôt sur Alexandre Dumas, journaliste. Merci beaucoup. Et on retrouvera demain, dans cette balade, avec vous, Perrine Kervran, et bien des lectures de Daniel Königsberg. Merci, Daniel, d'avoir suivi toute cette semaine avec nous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vaude Bolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter une ou toutes de ces émissions, bien n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter les émissions pendant 3 ans, les télécharger pendant l'année qui suit leur diffusion, laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore en nous suivant sur le réseau Twitter.